Comment pousser les bords du monde? Bob Dylan. Comment pousser les bords du monde? Un feuilleton de François Bon. Shadowboxing early in the day, I figured I was ready for Cassius Clay. But the times they are a changing. 6. L'industrie sous le troubadour, Albert Grossman. On dit qu'Albert Grossman, qui a 35 ans cette fin 1962, mais à qui on en donne facilement 10 de plus à cause de ses cheveux gris soigneusement peignés en arrière et de sa carrure enveloppée, a commencé par vendre, puis fabriquer des hamburgers. Et que s'il a acheté un club à Chicago, sa ville d'origine, c'était surtout pour créer un débouché à ses steaks et sandwichs. On dit que lorsqu'il a signé une des grosses vendeuses de disques folk, la chanteuse noire Odetta, dont Bob Dylan, à Minneapolis, connaissait déjà par cœur tous les disques, Grossman lui a dit que c'était certainement plus profitable de gagner 250 000 dollars avec un agent qui vous prenait 50% que 100 000 avec un autre qui ne vous prenait que 25%. Odetta, Dylan la reverra souvent et elle-même produira tout un disque « Odetta chante Bob Dylan ». On n'en est pas là. Qu'est-ce qui décide Albert Grossman, en novembre 1962, à signer l'inconnu Bob Dylan? Ces gens de l'ombre et de l'argent ne s'en expliquent pas eux-mêmes. Mais on peut être artiste autant qu'on veut, s'il n'y a pas un Andrew Lou Goldham, puis Alan Klein sous les Rolling Stones, comme Peter Grant avec Led Zeppelin, ou Brian Epstein sous les Beatles, il n'y aurait pas de Beatles, Led Zeppelin ou Rolling Stones. Dylan, c'est autre chose. Assez fin, assez rusé, assez dur, mais plus tard. Peut-être il aurait trouvé un autre Albert Grossman. Mais le producteur aux cheveux bien peignés et au ventre certain, qui vient l'écouter aux Gerds, assis au fond de la salle, ce mois de novembre, alors qu'il a déjà enregistré un premier disque et qu'il s'essaye à ses premières chansons finger pointing, les chansons qui montrent du doigt, est juif d'Europe centrale, comme les grands-parents de Bobby Zimmerman sont d'Odessa, et il est de Chicago comme lui est de Ebbing, le pays du Nord, North Country. Reste que Dylan a déjà, sinon un agent, un producteur, John Hammond. Le génie d'Albert Grossman, son artisterie à lui, c'est l'intuition de l'argent. Vendre un disque, passer à la radio, c'est bien. Maîtriser les droits d'auteur, c'est encore mieux, c'est là qu'est l'argent. Lui, avec Odetta, il a Peter, Paul and Mary, un groupe monté à l'imitation du célèbre Kingston Trio. En fait, c'est Peter, Noël et Marie, mais Paul, ça sonnait mieux que Noël. Et Grossman a signé secrètement un autre contrat avec une maison d'édition, partageant avec eux la moitié des droits d'auteur, ce que lui reprochera plus tard Bob Dylan, qui mettra du temps à comprendre pourquoi Grossman s'enrichit quatre fois plus vite que ses artistes. Si Albert Grossman signe Bob Dylan pour 10 ans, contre 25% des recettes et 50% des droits d'édition, c'est pour le faire écrire. Ce genre d'engagement qu'on accepte quand on a à peine de quoi payer son loyer et qu'on joue encore contre un repas gratuit au Gaslight. Autant dire que 10 ans plus tard, il ne sera pas renouvelé. Et les procès qui s'en suivront dureront jusqu'en 1987, 2 ans après la mort de Grossman. Pour les années à venir, Grossman est un personnage clé. Le plus proche de Dylan, certainement, même avant Suze, avant John Baez. Dylan était fier d'avoir décroché un premier contrat d'édition, tout seul, chez Leeds Music. Grossman demande une avance de 5000 dollars à Whitmark, donne 1000 dollars à Dylan pour qu'il rachète son contrat Leeds et garde le reste. Cela aussi, Dylan le lui reprochera quand il l'apprendra. Grossman n'est pas un tendre, mais il est clair avec lui-même. Le folk est une communauté. Il y a des chansons qu'on chante tous, parce qu'elles sont leur histoire, qu'elles symbolisent la posture qu'on se doit d'avoir au monde. Ainsi ce vieux chant d'esclaves, ce vieux gospel polyphonique de l'esclavage, No More Auction Block, que Dylan chante dans ses premiers concerts. On en garde le grain, le noyau, l'appel. Mais quelle figure dite avec des mots d'aujourd'hui en dirait la teneur et par quoi cette chanson nous prend? Et si cette question-là non plus n'avait pas de réponse, et qu'il s'agissait encore, pour dire cet appel à la liberté, de se confier au vent? Refrain entêtant, répétitif. Certes, il n'y a plus à se battre contre l'esclavage, mais l'interrogation sur le destin ne change pas. Et si écrire les paroles qui résonnent pour aujourd'hui, c'était encore la façon d'être fidèle au vieux génie des esclaves, ou de l'anonyme qui le premier composa et chanta No More Auction Block. Blowing in the Wind, c'est un décalque. La première chanson que Dylan donne à Albert Grossman. Enregistré d'abord par Peter, Paul and Mary, produit par Grossman, c'est tout de suite un énorme succès. Personne pour savoir le nom de l'auteur. Mais les droits radio, les droits d'édition, c'est chez Grossman et Dylan qu'ils tombent. La chanson sera réenregistrée 60 fois, en un an, y compris par Marlène Dietrich ou Duke Ellington. Chaque fois, 50% pour Dylan, 50% pour Grossman. À peine 5 semaines plus tard, Grossman remet à Dylan un premier chèque, $7,000, sur les royalties. Il ne sait même pas quoi faire de l'argent, Bob Dylan. Lui qui n'a qu'une guitare et une machine à écrire, paye $60 par mois de loyer, mange chez les autres et marche à pied. S'il y a un point sur lequel ces deux-là vont s'entendre, c'est l'art du secret, et qu'il n'y a aucune raison de raconter à quiconque quoi que ce soit de leurs affaires. Dans les années à venir, c'est même le troisième versant, connu seulement des initiés de l'œuvre de Dylan. Quand on a écrit une chanson, l'enregistrer tout de suite, en version minimum, piano et voix, guitare et voix, et la graver sur acétate, sans aucun arrangement, pour que Grossman puisse la proposer à d'autres chanteurs. Bob Dylan, en parallèle de sa propre carrière de chanteur, sera aussi ce compositeur ermite, fournisseur de succès à distance. Dylan dit qu'il a écrit « Blowing in the Wind » comme cela, comme ses autres chansons, très vite, dans l'intuition d'un instant. Parce qu'on a un air dans la tête, parce qu'on attend dans un café à un carrefour de la ville, dans le vent de New York, et qu'on pense tout d'un coup au chemin qu'on a fait depuis un an presque qu'on est là. Il précise ce café qui est au coin de McDougall Street, comme s'il suffisait à quiconque de s'asseoir là pour qu'un tel hymne surgisse. Sur combien de routes on doit aller marcher avant qu'on dise de vous, c'est un homme. Combien d'oreilles on doit avoir avant d'entendre comme un peuple pleure. Combien de morts il faudra pour qu'on le sache, que trop de gens sont morts. La réponse à mi-souffle avec le vent, la réponse court dans le vent. Le mouvement pour les droits civiques est amorcé. Les États-Unis s'ébrouent. Mais de cela, on ne parle pas, juste, c'est dans l'air. C'est l'état d'esprit que capte le chanteur, ce qui souffle dans ce vent. Et pas à lui de fournir les réponses. Dave Van Ronk raconte qu'un jour, il entend deux types à Times Square plaisanter. The answer, my friend, is blowing out your hand. Du genre, la réponse, mon pote, coûte mon cul. Et ce jour-là, Dave Van Ronk a compris que Dylan était lancé, serait immensément populaire. On dirait pourtant que Dylan ne l'aime pas, cette chanson. Il la publie dans Broadside, la revue de Pete Seeger, comme il fait dans chaque numéro. Pour Grossman, il a fait une démo, une maquette chant et piano, mais tout d'abord il ne la retient pas pour son deuxième album. C'est une fois devenu ce succès qu'il l'enregistre dans le studio du 6e étage, chez Columbia, avec John Hammond qui, paraît-il, lit le journal pendant les enregistrements. Everything all right, boy? Par exemple, le premier coup d'Albert Grossman, c'est d'interdire à Dylan de continuer de jouer dans les petits clubs. Ne plus se mêler à la foule des traînes-guitares. Réserver les concerts. et il fait pression sur Itzy Young du Folklore Center pour réserver à Dylan un concert dans une petite salle qui jouxte le Carnegie Hall, une salle de 150 places. Et quand Dylan y donne ce concert qui doit le lancer, il y a précisément 52 personnes dans la salle. On devait partager les bénéfices. Quand Itzy Young donne son cachet à Dylan, ils savent très bien tous deux que le Folklore Center sera débiteur. Grossman ne met rien de sa poche. Eh bien, à ce concert, Dylan ne chante pas « Blowing in the Wind ». As I went walking, at a ribbon of highway, I saw above me, that endless skyway. I saw below me, that golden valley. This line was made for you and me. Il s'occupe de tout, Grossman, et surtout du plus urgent dans la vie de Bob Dylan. Suze est partie. Suze a 18 ans, elle veut connaître l'Italie de ses parents. Et Suze peint. Elle n'est pas du genre à devenir l'épouse, la muette, celle qui donne les idées et la couleur, et tout le reste pour Dylan. Suze est partie près de Milan et prend des cours de peinture. Mais elle annonce qu'elle diffère son retour. Le New York en fumée. L'appartement déglingué, les discussions politiques, et Dylan qui n'a jamais été l'homme d'une seule, qui continue ses allers-retours à Minneapolis. Suze a prolongé le séjour en Italie. Les beaux yeux d'un jeune Italien, c'est vrai. Dylan sans doute, mais n'a pas la preuve. Il appelle ses copains au milieu de la nuit. « Je veux Suze ». Grossman trouve une combine. L'Angleterre, c'est la seconde moitié du bénéfice. Le vieux pays, c'est une étape obligatoire pour tourner, passer à la radio. La chaîne unique de télévision anglaise, la BBC, engage Dylan pour chanter trois chansons dans un film comportant un personnage à la Woody Guthrie. Cela permet le billet d'avion gratuit et 5 nuits d'hôtel. Albert Grossman n'est pas du genre à faire des dépenses inutiles. Dylan jouera dans les clubs de Londres et puis, s'il veut, ira en Italie chercher Suze et la ramener s'il peut. Londres, ce mois de décembre 1962, c'est un virage presque aussi important que l'arrivée à New York. La BBC, on s'en débarrasse vite. D'ailleurs, il n'est pas très bon pour les rôles, Dylan. Et la télévision ne gardera qu'un très bref extrait. Par contre, il est tout de suite dans les clubs folk. Ce qui étonne, par exemple, c'est la séparation des genres. La marmite à nouvelle musique à Londres, c'est la soirée blues du Marquis, qu'organise Alexis Corner, et où s'incrustent, ces mêmes semaines, des inconnus du nom de Brian Jones, Mick Jagger, Jimmy Page ou Eric Clapton. Un type de leur âge, qui a fait la première partie de John Lee Hooker, on l'aurait accueilli avec respect. Mais non, le croisement ne se fait pas, c'est trop tôt. Il ne se fait pas non plus avec les Beatles, dont le disque Love Me Do est partout depuis octobre. Mais pour lui, Dylan, les Beatles, c'est comme une ressucée lointaine de l'époque Buddy Holly. Il n'y fait pas attention tout de suite. Dans les clubs folk, au Troubadour, au Roundhouse, celui avec qui sympathise Dylan, c'est Martin Carty, un puriste qui chante a cappella des airs traditionnels ou les accompagne de guitare en accord modal. Dylan bientôt s'héberge chez lui. Ce qu'on partage, c'est la culture devenue encyclopédique de Bob Dylan sur comment les colons américains ont importé puis fondu ces ballades traditionnelles qu'ils ont apportées avec eux. Ils chantent par exemple depuis longtemps « Le coucou » ou « Saligal ». Quant au système, Dylan, désormais il est au point. « I learned a lot of stuff from Martin », dit Bob. « J'ai appris plein de trucs de Martin Carty. » Ainsi, de la vieille chanson « Scarborough Fair » naîtra « Girl of the North Country ». Et de Lady Franklin Lament naîtra Bob Dylan's Dream. Et encore plus de cette très belle mélodie, inventée par Gene Ritchie et jouée par Martin Carty ou Bert Jansch, Not a Man Town. Je ne suis pas anti-guerre, dira Dylan. Je suis contre ces complexes militaro-industriels qui prennent toute la place. Alors on prend la mélodie et les accords de Not a Man Town, et c'est à eux qu'ils s'adressent. Venez, maître de la guerre, vous qui forgez ces armes, vous qui forgez ces avions de la mort, vous qui forgez les grosses bombes, vous qui vous cachez derrière vos murs, vous qui vous cachez dans vos bureaux, sachez-le que moi je vois au travers de vos masques. Parce que la mélodie de Notman Town est lourde d'oppression, que ce morceau fascine, la prise à partie des maîtres de la guerre devient plus que le doigt qui montre. Pour la première fois, elle se fait menace directe. All the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die. J'espère que vous mourrez, que ce sera bientôt. And your death will come soon. I follow your casket. Moi j'irai à votre enterrement. By the pale afternoon. Par un gris après-midi. And I watch while you're Lord. Et je resterai là, devant la tombe. Jusqu'à être sûr que mort est bien mort. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Il y a un tournant dans Masters of War. Au puissant, on s'adresse avec agressivité, à égalité et conscient de sa force. Et pour Dylan, ses chansons, c'est du pain. Albert Grossman les fait enregistrer par les autres, à mesure, bien avant que lui les chante. Et puis à Londres, Dylan est arrivé déjà avec sa carte de visite, son premier disque, ses concerts. Mais il n'est pas franchement bien accueilli, même avec la recommandation de Pete Seeger, même en se présentant comme le fils de Woody Guthrie. Il aurait certainement été mieux au Marquis. On dit qu'il n'a pas de voix. On n'aime pas ces Américains prétentieux, qui chantent toujours avec un micro. Et veulent changer le monde avec des slogans collés sur les vieux accords folk qu'ils trahissent. Est-ce pour cela que ce trésor que Dylan emporte, au moins 6 chansons nouvelles, directement reprises des folk londoniens, lui vaudra au moins un procès avec Gene Ritchie, qui exige sa part du copyright? Si Dylan s'envole pour Milan ou s'il prend le train, je ne sais pas. Mais quand il arrive en Italie, c'est pour apprendre que Suze est déjà reparti à New York. Rendez-vous raté. On a quelques chansons d'amour et de guerre, mais l'amoureuse, on ne l'a plus. That's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night. In the brightness of my day. Jean-François Néolier, Julien Douminque, Ella Marder, Annabelle Brouard, Claude Guerre. Comment pousser les bords du monde, Bob Dylan. Un feuilleton en 15 épisodes. Written and Talked, écrit et raconté par François Bon. Demain, 7e épisode, La Belle et le Vagabond, John Baez. Where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.